réseau, je l'ai trop bizarre. J'ai trop fait ça en gros des 22 juste pour atteindre le brisard. Et l'ingé décompresse le kit, le pied compresse avec Winrar. Ouais, j'avoue pas. On ligne grave et la bonne route, on la suit grave. Et à la fin, on t'expliquera. On te la mettra. Et avant de tu me rapproches des drames. Et sur ton chemin, personne t'aidera. Je te vois que quand t'es dans le pétrin, perdre, c'est certain. Photo, tu vas finir dingue. Tu vas finir dingue. Tu vas finir dingue. Et y'a la planque dans le métal. Chez nous, on appelle ça le flingue. Le Glock, le flingue. Ouais, chez nous, on appelle ça le flingue. Et y'a la planque dans le métal. Chez nous, on appelle ça le flingue. Le Glock, le flingue. Ouais, chez nous, on appelle ça le flingue. Aha le son du lin, aha le son du lin, aha le son du lin, aha le son du lin, aha le son du lin, aha le son du lin, aha le son du lin, aha. Leur parle pas, mais des fins, j'ai ma voix, je vois pas dans ta peinte. On fait le sale, le porte plein, palette, je veux le coffre plein. Tous les jours relâchés, à la vie, j'ai des gens pour me soulager. Amsterdam, dans sa chine, caché, tu veux se chercher. On retourne où qu'on aille, matin, pas des kunai. Sa plus belle tenue mini, puis après minuit. Ma tape passe fruit futile, crois-moi que ça m'ennuie. Roule plutôt, des fois on lit, je préfère faire cette combine. Avant de lui ôter sa combi, combi, lui, pas sa combi, combi. Je vais piner la tangine, je vais piner la tangine. Avant de lui ôter sa combi, lui, pas la combi. Je vais piner la tangine, je vais piner la tangine. Ah le son du lin, ah le son du lin, ah le son du lin. Aha le son du lin, aha le son du lin, aha le son du lin, aha le son du lin, aha. Ta messe à la planina, je te laisse bénédicte. Un cap prendra que la masse est dite. J'suis dans la scène comme les mecs en pleine Sylvanie. MGP t'apprécie le Tchikovani. Zizi dans la pop, j'en t'appelle Ivani. Pardonne mon écho, c'était ta mamie. Au rappeur ex youtubeur, ex rap contenteur. Sans mon cas croqué nos proches comme un tender. Je suis fait à la trappe, non ça va pas. Arrête ça, qu'est-ce que c'est moche. Je suis plus critique que toi même sur un bomba. Je suis le collège stratégique, tu l'ouvres un bomba. Je vais lui tirer dessus kaboum. Aha le son du lin, aha le son du lin, aha le son du lin, aha le son du lin, aha le son du lin. Aha le son du lin, aha le son du lin, aha, aha le son du lin.